Chapitre 8e. Bien qu'il fût plutôt corpulent, César Abascas ne manquait pas d'agilité. Il connaissait à merveille l'art de ramper sans bruit, de progresser à travers broussailles et alliés sans froisser la moindre branchette. Grâce à ses qualités, grâce aussi à ce que la nuit était d'un noir d'encre, à ce que le sol était détrempé, que les plantes et les arbustes étaient amollis par la pluie, il réussit à arriver à moins de 10 mètres de l'auto sans que les Japonais se doutassent de sa présence. Il put aussitôt constater qu'il ne s'était pas trompé. Les jeunes étaient occupés à changer le pneumatique d'une des roues arrière de la limousine. Déjà, l'enveloppe avait été remise en place et un Japonais pompait pour regonfler la chambre à air. À 3 pas de l'auto, 2 hommes causaient. L'un était indubitablement de race japonaise, mais son interlocuteur, plus grand, avait l'aspect d'un oriental. Abascas le reconnut. C'était l'homme qu'il avait vu aux abords du garage Cordel. Pas d'erreur possible, c'était bien sa face couleur de pain d'épices, ses petits yeux noirs, ses cheveux ondulés. Les 2 hommes causaient en anglais. Abascas entendit ces mots. Et Honoré, au besoin, put rouler sur la jante. Mais cela nous a permis de laisser passer cette motocyclette qui, je vous l'avoue, mon cher Antoniades, m'inquiétait. Dans notre position, nous devons nous méfier de tout. Et vous avez peut-être eu tort, à Villeneuve-Saint-Georges, de nous faire arrêter pour Takata. Je sais bien qu'il souffrait atrocement, mais tant pis pour ceux qui tombent. Les vivants doivent aller de l'avant. Nous sommes toujours en avance sur l'horaire. Oui, Mr. Kajiro. À 60 à l'heure, nous serons à 11 heures à Marseille. Et la Città di Milano ne part qu'à 4 heures. Nous aurons donc le temps de passer chez Otona pour l'emballage des colis. Mais je crois que le pneu est regonflé. Nous allons repartir. Immobile, Abascas vit les 2 hommes remonter dans l'auto, cependant que 2 autres replaçaient la pompe et les clés anglaises dans le coffre à outils de la limousine. Le phare fut remis en place et le rapide véhicule aussitôt démarra. Abascas le laissa s'éloigner et dès qu'il fut assez loin, se dirigea lui-même vers l'endroit où il avait laissé la motocyclette. Mademoiselle Andrieux n'avait pas perdu son temps. Déjà, le réservoir était plein et la moto prête à repartir. « Nous avons de quoi marcher pendant 3 bonnes heures, » expliqua-t-elle. « Et à toute vitesse, je crois que cela ne sera pas nécessaire, mademoiselle. Car je sais maintenant où vont nos hommes. Je vais essayer de gagner la roche le plus vite possible, pour y prendre le rapide de Marseille qui passe à 20:30. Si je parviens, tout ira bien. Allons-y, » fit également la jeune fille en s'installant de nouveau dans le sidecar. Rabaska sauta en selle. Toute la vitesse que la moto pouvait fournir, il la lui fit donner. Le léger véhicule fila comme un bolide sur la route déserte. Grâce à Mademoiselle Andrieux, qui connaissait admirablement la région, Abascas put prendre des chemins de traverse qui lui permirent d'abord de gagner plusieurs kilomètres et surtout de dépasser l'auto des bandits sans être vu par ces derniers. À 10:30 exactement, la moto stoppa devant la gare de La Roche-Migène, le grand dépôt de machines du PLM, où s'arrêtent tous les rapides pour changer de locomotive. « Maintenant, mademoiselle, » fit Abascas, après avoir sauté à terre, « je m'en vais vous laisser. Vous pourrez facilement prendre un train pour Paris. Je ne vous demande pas de m'accompagner, mais laissez-moi vous dire que si je réussis, ce sera grâce à vous, qui auriez pu me faire arrêter ou tout au moins me créer de grandes difficultés. Croyez que je n'oublierai jamais votre bienveillance et votre bonté. » « Vous m'avez au contraire beaucoup amusé, monsieur, » assura la jeune fille. « Et moi aussi. Je regrette de ne pouvoir vous accompagner plus loin. Mais mes parents seraient en droit d'être inquiets. Je vous laisse donc, et je vous souhaite bonne chance. Lorsque vous reviendrez à Paris, mes parents, j'en suis certaine, seront aises de vous connaître, surtout après ce que je vais leur raconter. Mais ne bavardons pas inutilement, vous avez juste le temps de prendre votre billet. »« C'est ma foi vrai, » fit Abascas. « Je vous dis donc adieu, mademoiselle, adieu, et surtout, merci encore. » Le bordelais serra énergiquement la petite main de la jeune fille et à grands pas gagna la salle de distribution de billets. Le train rapide qu'elle était arrivée ne comportait que des voitures de première classe. Force donc fut à Abascas de prendre un billet de première, ce qui lui fit dépenser le peu d'argent restant encore dans ses poches. Son billet pris, il se trouva possesseur de 6 francs 60 centimes, en tout et pour tout. Dans la salle d'attente, il retrouva Mademoiselle Andrieux, qui avait garé la moto et le sidecar à la consigne et se disposait à attendre patiemment le premier train pour Paris, lequel ne devait passer qu'à 3 heures du matin. elle souhaita une dernière fois bonne chance au détective qui aussitôt gagna le quai, car le rapide venait d'être signalé. Quelques minutes plus tard, Rabascas prenait place dans un compartiment de première et se disposait à passer le restant de la nuit le plus confortablement possible. Il était exténué et s'endormit presque aussitôt après le départ du train. Le voyage s'accomplit sans incident. À 9h du matin, Rabascas débarquait en gare de Marseille. Il avala rapidement une tasse de café au lait et deux croissants dans un café de la Canebière et entreprit, sans perdre de temps, de se renseigner sur la Città di Milano dont il avait entendu mentionner le nom par les mystérieux japonais. Il apprit facilement que c'était un paquebot italien accosté au quai du bassin national et qui partait pour les Indes dans l'après-midi. Rabascas résolut de guetter l'embarquement des Japonais et d'agir ensuite suivant les circonstances. Car maintenant, non seulement il voulait rentrer en possession des documents volés au ministère de la Marine, mais encore il devait faire en sorte de retrouver Browning et de le délivrer. Pour cela, la prudence s'imposait, car les Japonais, après toutes les preuves d'audace qu'ils avaient données, étaient bien capables de se débarrasser de l'Américain s'il se sentait serré de trop près. Et d'autre part, Rabascas ne savait pas où les Japonais avaient mis les documents volés, car rien ne prouvait qu'ils les eussent sur eux. Il se pouvait fort bien qu'ils les eussent expédiés par la poste. Dans ce cas, Rabascas, pour les retrouver, devrait se faire renseigner par les Japs. Ce qui n'apparaissait pas facile, on le comprend. Notre Gascon, ayant gagné le quai contre lequel était accosté la Città di Milano, attendit. Le paquebot achevait son chargement. De tous côtés, Gru et Treuil grinçaient, hissant caisse et ballots et les descendant dans les vastes cales. Sur le pont du grand navire, les matelots s'occupaient déjà à dédoubler les grosses cordes reliant le mastodonte au quai. En tête de main, les pavillons claquaient. Sur le quai, au pied de l'escalier de bois conduisant à bord du paquebot, des marchands, des curieux stationnaient. De temps à autre, des passagers arrivaient, donnaient leurs dernières recommandations pour l'embarquement de leurs bagages et montaient à bord, où des garçons leur indiquaient leur cabine. Un peu avant 3h30, alors que le chargement était terminé et que les matelots refermaient les cales, l'automobile du grand hôtel s'arrêta au pied de l'escalier reliant le paquebot au quai. Deux hommes en descendirent, justement les deux hommes que Rabascas avait entendu causer dans la forêt de Fontainebleau. Ils grimpèrent immédiatement à bord et disparurent dans un des salons. « Et des sacs, qu'ont-ils fait des sacs ?» se demanda Rabascas. Il regarda autour de lui et ne vit rien. « Peut-être que les sacs sont déjà à bord, » pensa-t-il. « En tout cas, le plus simple est de m'embarquer moi aussi. » « Oui, c'était le plus simple. Seulement Rabascas n'avait pas de billet de passage. » Et ses poches renfermaient à peine 4 francs, somme notoirement insuffisante à payer le prix de la plus courte traversée.